Osée chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et les méchancetés de Samarie se sont découvertes, car ils ont commis fausseté, et le lard entre, et le brigand les trousse dehors. Et ils n'ont point pensé en leur cœur que je me souviens de toute leur malice, leur déportement, qui ont été en ma présence, les ont maintenant environnés. Ils réjouissent le roi par leur malice, et les gouverneurs par leur perfidie. Eux tous commettent adultère, étant embrasés comme un four que le fournier a chauffé, après qu'il a cessé d'éveiller, depuis que la pâte est pétrie jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, on a rendu malade les gouverneurs à force de leur faire boire des bouteilles de vin, il a tendu la main aux bouffons. Car ils ont appliqué à leurs embûches, leur cœur embrasé comme un four, leur fournier dort toute la nuit, le matin le four est embrasé, comme un feu accompagné de flammes. Ils sont tous échauffés comme un four, et ils dévorent leurs gouverneurs, tous leurs rois sont tombés, et il n'y a aucun d'entre eux qui crie à moi. Ephraïm même se mêle avec les peuples, Ephraïm est comme un gâteau qui n'a point été tourné. Les étrangers ont dévoré sa force, et il ne l'a point connu, les cheveux blancs sont déjà parsemés en lui, et il n'en a rien connu. L'orgueil d'Israël donc rendra témoignage contre lui, car ils ne se sont point convertis à l'Éternel, leur Dieu, ils ne l'ont point recherché pour tout cela. Ephraïm est devenu comme une colombe simple, sans entendement, car ils ont réclamé l'Égypte, et sont allés vers le roi d'Assyrie. Mais quand ils iront, j'étendrai mon ray sur eux, et je les abattrai comme les oiseaux des cieux, je les châtirai, selon qu'on l'a fait entendre dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils s'égarent çà et là de moi, ils seront exposés aux dégâts, car ils ont agi méchamment contre moi, encore les rachèterai-je, mais ils profèrent des mensonges contre moi. Ils ne crient point vers moi en leur cœur, quand ils hurlent dans leur lit, ils se déchiquettent pour le froment et le bon vin, et ils se détournent de moi. Je les ai châtiés, et j'ai fortifié leurs bras, mais ils ont pensé du mal contre moi. Ils se retournent, mais non point au souverain, ils sont devenus comme un arc qui trompe, les principaux d'entre eux tomberont par l'épée, à cause de la fureur de leur langue, cela leur tournera en moquerie au pays d'Égypte.